saisis ta chance. Je ne t'en laisserai plus de deuxième. Je vais revenir même si tu veux me brûler les ailes. Vous m'avez laissé seul au fond du gouffre. M'en fous, je reviendrai plus fort. Moi, les problèmes, je les bouffe. Vous voulez me faire gravir la montagne, je ferai pas demi-tour. Bien sûr, je pense à l'avenir, me parle pas de 2012. Toi et moi, c'est pas pour la vie, me donne pas de faux espoirs. Pas confiant, non réaliste, madame midi et soir. Je suis pas le bout en train de service, ni même le petit chien. Je fais ma route, c'est à suivre. Bref, je trace mon chemin. Je suis ma vie, je tweet des phrases de very bad blagues. J'écris des phases, et dans ma tête, j'ai des projets de comeback. Ils disent qu'on a pas ce qu'il faut pour devenir des pros. Ness, on ira au bout, et c'est pas des promesses. J'ai eu un trou, mais dans le game, je suis réhabilité. Mais le rêve est le cauchemar de la réalité. Si la poisse est au bout du fil, j'envoie des SMS. Si la vie est un film, mais tout sur pause que tout cesse. Si la vie ne tient qu'à un film, ne te pends pas avec. Si tes espoirs sont réduits, regarde le ciel. Dès que tu rêves d'avenir, les portes ne s'ouvrent pas. Toutes ces années à venir que j'ai devant moi me font voir qu'il faut pas se prendre la tête. L'hypocrisie existe, mais on arrive bientôt à terme. Coming soon. J'ai de l'ambition, mais je suis loin de mes rêves. Je veux pas faire jumper des foules, mais peaufiner mes vers. Et c'est pour pas gifler la vie que je marche les mains dans les poches. Ceux qui me pensent au suicide n'ont pas connu la mort d'un proche. Donc je lève la tête et je regarde le monde. Je contemple le soleil jusqu'à que le tonnerre gronde. Je ferme pas les yeux pour pas voir la vie en noir. Je regarde le désespoir des personnes dans un miroir. Et malheureusement, je ne vois pas que le mien. Je veux aller au bout, je prends mon courage à deux mains. Pour tous ceux qui sont partis trop tôt, RIP Mathieu. Je sais qu'ils me calculent et je suis pas matheux. On rêve d'avenir, mais tout peut s'arrêter. Sur l'autoroute de la vie, on sait que les routes sont accidentées. Je poursuis ma vie, même si pour l'instant elle est hantée. Le mal est déjà trop grand, il faut pas l'alimenter. Si la poisse est au bout du fil, j'envoie des SMS. Si la vie est un film et tout sur poste que tout cesse. Si la vie ne tient qu'à un film, ne te pends pas avec. Si tes espoirs sont réduits, regarde le ciel. Dès tu rêves d'avenir, les portes ne s'ouvrent pas. Toutes ces années à venir que j'ai devant moi me font voir qu'il ne faut pas se prendre la tête. L'hypocrisie existe, même si on arrive bientôt à terme. Coming soon.